Celui qui ne parle pas arrive au non-agir. Un vent rapide ne dure pas toute la matinée. Une pluie violente ne dure pas tout le jour. Qui est-ce qui produit ces deux choses? Le ciel et la terre. Si le ciel et la terre même ne peuvent subsister longtemps, à plus forte raison l'homme. C'est pourquoi, si l'homme se livre au Tao, il s'identifie au Tao. S'il se livre à la vertu, il s'identifie à la vertu. S'il se livre au crime, il s'identifie au crime.